SOF, ouais. Écoute. Faire mal ça paye pas, j'en pas des Pays-Bas. Là j'augmente mon PIB pour encaisser comme PayPal. C'est moi le petit tout bap tout pâle, t'inquiète toi je vais leur mettre des claques. Désolé, dernier rappeur que j'ai écouté il était claqué. Je vais pas te faire espérer comme ta meuf qui t'a plaqué. Je joue pas le grossi si t'as vendu quelques plaquettes dans un paquet. Moi on m'a pas select, toi je sais quand tu passes à l'acte. C'est quand t'as plus besoin d'aide, wesh qui sont tous là tes fautes. C'est dur mais je te raconte, tu te feras trahir par celui d'à côté. Avant personne m'écoutait, par eux des planches dégotées. Ils pensaient tous à me sauter, ils se croient tous à la Ciota. En freestyle je peux les bottes, ou t'as volé dans un local. À 13 piges à tes côtés, à 17 à tes côtés. Je rêvais d'avoir une bécane, poteau je rappe, toi tu t'étonnes. Regarde dans la merde là on y est. Devant le PG j'ai tout nié, devant le PG j'ai tout nié. Devant le PG j'ai tout nié, bâtard. Devant l'OPJ j'ai tout nié, ouais. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné. De là où j'viens, les mecs se douillent pour un billet ou pour une meuf. Si on brouille, gros, on se débrouille. Non, y'a personne qui appelle les keufs. Pour un regard, ça part en vrille. Et le soir en centre-ville, à 5 sur un grec, c'est mieux que de zoner le ventre vide. On a grandi ensemble, on s'appelle frère. Pour une connerie, nos liens familiaux peuvent se briser en un éclair. Aucun repère, et ce délire, c'est toute notre enfance. Mais y'a jamais eu de regret, bien au contraire, j'ai vu mes potes partir pour la morgue ou la prison. À présent, j'peux te dire, on ne devient pas un homme à 16 ans. On avait tort, mais on t'aurait prouvé l'inverse. Oublie les histoires de confiance, tout le monde peut. Tourner sa veste, incompris, rien compris pour croiser la chance un jour. Trop pudique, chez nous c'est tabou de parler d'amour. Alors on cache nos sentiments, on traîne avec ces gens qui mentent. Ouais c'est la rue, protège ton dos si t'as des sous qui rentrent. À force on s'habitue à tout et dans le pire des cas on fera semblant. On fait les mecs sereins mais on avance sans plan. Bah ouais, ça fait, ça fait, ça fait. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné. Ouais j'ai comment. Plus le temps passe, plus les masques tombent. Attachez bien vos mousquetons. Je fais partie des kamikazes, prêt à faire sauter les ondes. Je rentre pas dans vos cases, je ne peux que m'en vanter. Le vase vient d'éclater. Garde à vos comicos pour 10 eux demi-com. L'homme à matraque nous prend pour des demi-hommes. Un air de Babylone, un peu de respect, c'est le minimum. J'les additionne d'ici, flow de Compton et Washington DC. C'est à ça que tu m'identifies. La connexion est faite, monte le son de ta chaîne IFI. J'ai clair et précis, la rime c'est simplissime. Nos rimes te terrifient, garde le nîme sur ta cime pour que l'ambiance s'amplifie. La vie s'intensifie, ça devient trop classique. L'histoire se répète comme un Macron Le Pen. Y'a que des moutons mon frère. Raisonner le peuple, ça n'en vaut plus vraiment la peine. Jamais gris mon trou avec ma propre pelle. J'ai fait que festoyer cette semaine. Posé dans l'aine, balade entre deux plaines. Bouteille pleine pour noyer ma peine. Pour noyer ma peine. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné. J'peux pas rester poteau, j'vais m'enraciner. J'suis le seul à pouvoir décider. Des échecs, des erreurs à décimer. Image le réel, c'est pas du ciné.